France Inter, franceinter.com. Quand saura-t-on la vérité ? La vérité sur les vrais rapports qui ont existé entre la RDA, l'ex-Allemagne de l'Est, et le terrorisme. Alors que l'on célèbre le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, la question est toujours disputée et fait débat dans la nouvelle Allemagne réunifiée, où l'on n'a pas oublié la menace qu'a longtemps fait peser sur le pays, la RAF, la fraction armée rouge, c'est-à-dire ce que l'on a appelé aussi la bande Abadère. Dans quelle mesure la Stasi, la police politique de la RDA, a-t-elle aidé les terroristes en leur offrant assistance matérielle et asile? Et a-t-elle même été à l'origine de certaines actions criminelles de la RAF? Autre question. Quel a été le rôle de la RDA dans l'orchestration du terrorisme international? Berlin-Est a vu passer la fine fleur des maîtres en terrorisme, à commencer par l'incontournable Carlos, qui s'y est même installé quelque temps, à l'heure où la France était frappée par de terribles attentats. Et là encore, on peut se demander s'il a ou non bénéficié de la collaboration des services secrets est-allemands. L'ouverture des archives, en particulier celle de la Stasi, a permis d'apporter quelques réponses à toutes ces questions, mais dans la plupart des cas, le mystère n'est pas vraiment dissipé. Terrorisme et RDA, l'avis de M. X dans un instant. Komm aus dem Club, war schön gewesen, stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti, Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Halb sechs, meine Augen brennen, dreht auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarik und Sam. Tarik sagt, Hals, Maul oder ich werd ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt, mir wird schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch, dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von Weitem aus, doch die Sonne geht gerade auf. Weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch. Une remarque générale pour commencer. Les rapports entre les États, quels qu'ils soient, et les organisations terroristes sont toujours empreints d'une grande hypocrisie. Car on a beau affirmer en tapant du poing sur la table qu'on ne négocie pas avec les terroristes, il en va bien autrement dans la réalité. Je suis d'accord, mais dans le dossier qui nous occupe aujourd'hui, là, il n'est pas question de négociation, mais de collaboration avec le terrorisme. Vous avez parfaitement raison. Cependant, parfois, la différence est bien mince. Je vous explique. Quand on conclut un accord avec une organisation terroriste, ne commence-t-on pas à collaborer ? Mais un accord de quel ordre ? De ce genre, je ne vous combats pas, je vous laisse même la possibilité de résider et circuler sur mon territoire, mais vous ne commettez pas d'attentat chez moi. Ouais, vous pouvez en commettre chez mon voisin. C'est bien ce que ça veut dire, oui. Et pour moi, c'est un début de collaboration. Alors, on va voir plus précisément si la RDA a passé de tels accords avec les terroristes, ou si elle est allée plus loin, beaucoup plus loin. Mais je peux vous dire que la France avait conclu de tels arrangements avec l'OLP ou des organisations encore plus radicales. Ouais, les Palestiniens, quoi. Oui, ouais. Ça nous a épargné certainement des drames. La France était devenue une sorte de sanctuaire. Dans les années 70-80. Enfin, il n'empêche qu'on a connu quand même notre lot d'attentats. Hein. Certes, mais les Palestiniens n'étaient généralement pas en cause. En tout cas, pas l'OLP de Yasser Arafat. Chez nous, ce sont les Iraniens qui ont frappé. Et bien sûr, l'organisation du Carlos. Mais on va en reparler. Ouais. Et dans les années 90, ce sont des terroristes algériens. Mais peut-être manipulés par le pouvoir. Mais enfin, ne nous éloignons pas. Je voulais simplement vous dire, préalablement, que les rapports entre les États et le terrorisme sont toujours très ambigus et que, dans ce domaine, la moralité trouve rarement son compte. Alors, la RDA et le terrorisme ? Il faut d'abord faire une distinction, même si ça n'est pas toujours facile, entre le terrorisme proprement allemand... La fraction armée rouge, oui. Oui, et un autre groupe, les cellules révolutionnaires. Et d'autre part, le terrorisme international, surtout proche-oriental. Oui, mais les deux se sont interpénétrés. Hein. C'est vrai, et c'est donc complexe. Cependant, je vais essayer d'être clair. Vous savez qu'on a parfois prétendu que derrière toutes les actions terroristes perpétrées dans le monde au temps de la guerre froide... Il y avait un cerveau, un maître d'œuvre. Oui, on a accusé le KGB. Bien entendu, mais je n'y ai jamais cru. Même si, c'est évident, les services secrets de l'Est ont quelquefois armé la main des terroristes. Mais il n'y avait pas de coordination. En réalité, ce qui était troublant, c'est que ces cellules terroristes ont coopéré entre elles de temps en temps, en échangeant des armes, des explosifs et même des militants. Et ça a donné l'impression qu'il y avait un chef d'orchestre. Et en outre, il y avait souvent une idéologie commune. Oui, une idéologie généralement d'extrême gauche. La plupart du temps. Même s'il y a eu aussi parallèlement un terrorisme d'extrême droite. Mais ne compliquons pas les choses. En Allemagne de l'Ouest, la bande à Bader commence à sévir dans les années 70. De l'autre côté du rideau de fer, on s'y intéresse forcément. Sans plus. C'est-à-dire que vous considérez qu'à ce stade, les communistes est-allemands n'ont pas de responsabilité dans la création de ce terrorisme d'extrême-gauche. Non, d'ailleurs, en RDA, on aurait plutôt des préventions à l'égard de ces jeunes gens radicaux plus proches de l'anarchisme que du communisme, tel qu'on le pratique à l'Est. Donc en RDA, on se méfie. Oui. Mais rien de ce qui peut affaiblir l'Allemagne de l'Ouest ne leur paraît négligeable. Au fond, alors, les terroristes de la fraction armée rouge peuvent apparaître comme des alliés objectifs. Exactement. Et ce n'est pas un hasard si le ministère de l'Intérieur de RDA crée au sein de la Stasi un département chargé uniquement des affaires de terrorisme. Et comme à l'Est, on voit des choses en grand, on y affecte 800 agents. Ah oui, mais quelle mission confie-t-on à ce département pléthorique-là ? Officiellement, il s'agit de lutter contre le terrorisme. Sur le territoire est-allemand ? Oui, enfin c'est cousu de fil blanc. Avec la Stasi omniprésente qui surveille pratiquement chaque citoyen, je ne vois pas qui pourrait ou oserait perpétrer durablement des attentats en RDA. Non, la vérité, c'est que le département 22, c'est son appellation, est chargé de recueillir des informations et même d'infiltrer les cellules terroristes qui existent en Allemagne de l'Ouest. On en aura la preuve indirecte bien plus tard, quand on apprendra qu'un des avocats des membres de la bande à Bader, Klaus Croissant, était un agent de la Stasi. Donc, la Stasi, si je vous entends bien, s'implique. C'est plus subtil que ça. Dans certains cas, on verra ça en détail un peu plus tard, la Stasi, parfaitement informée de ce qui se trame, laisse faire. Oui, mais qui ne dit mot au consent. C'est à peu près ça. Et dans d'autres cas, la RDA viendra même matériellement en aide aux terroristes en les accueillant. Et donc en les protégeant. Tout à fait. Ils ont pu ainsi se soustraire à la justice. Mais, à mon avis... C'est le point le plus important. Ce que cherchait surtout la Stasi, c'était recueillir des informations sur le terrorisme international. Car les Allemands de l'Est savaient parfaitement que la fraction armée rouge entretenait des relations privilégiées avec les organisations palestiniennes les plus extrémistes. Et ils voulaient eux-mêmes jouer leur partie dans ce domaine. Bien évidemment. Et c'était cohérent. Tous ces groupuscules terroristes affichaient un anti-impérialisme vigoureux. Ils participaient donc de ce vaste mouvement de contestation de l'Occident. Et dans cette mesure, on pouvait les aider. Soit directement, soit indirectement, à travers quelques États comme la Libye ou la Syrie qui les abritaient et parfois les commanditaient. En outre, et c'est une donnée qu'il ne faut pas négliger, il existait depuis longtemps entre Allemands et musulmans une tradition de connivence, sinon d'amitié. Ouais, c'était du temps du Troisième Reich, du Grand Moufti, mais les choses avaient bien changé, non ? Peut-être pas autant que vous le pensez. L'antisémitisme est un poison qui résiste au changement de régime. Peut-être, mais enfin, quand même, il est difficile d'oublier que les jeunes gens de la bande à Baden se sont engagés justement parce qu'ils estimaient que leur pays n'avait pas été réellement dénazifié. C'est juste. Et souvent, leurs parents avaient été d'authentiques nazis, oui. Il n'empêche que, dans le soutien apporté par la RDA à quelques organisations palestiniennes, parmi les plus radicales, il y avait incontestablement des relents antisémites. La RDA n'a pas plus été dénazifiée que sa sœur, la RFA. Et là, comme de l'autre côté du mur, on a pris soin de récupérer les meilleurs spécialistes en matière de police ou de renseignement. Alors bon, pardon pour ces généralités, mais je crois qu'elles étaient indispensables et intéressons-nous de plus près à ce département 22 de la Stasi. Mmh. Qui le dirigeait ? Un général, Gerhard Neber, qui n'était autre que l'un des adjoints de Milke, le ministre de l'Intérieur. Et lui, Milke, c'était le véritable patron de la Stasi. Et hein. Qui avait aussi sous sa coupe le HVA, d'ailleurs le service de renseignement dirigé par le célèbre Marcus Wolf. Ouais, le mystérieux Carla de John le Carré. Ouais. Mais l'écrivain n'avait jamais vu de photo de Wolf, sinon il en aurait fait une autre description physique, enfin, passons. Ouais, il était assez beau, Wolf. Ouais. Mais Wolf, justement, alors, est-ce qu'il a eu... quelque chose à voir avec ces affaires de terrorisme ? Il s'en est toujours défendu. Cependant, personnellement, j'ai des doutes. Au minimum, il a été informé. Le chef des services secrets ne pouvait pas ignorer que des agents de la Stasi collaboraient avec des terroristes. Ou alors, ça aurait été un bien mauvais maître espion. D'autre part, il ne faut pas oublier que la Stasi n'était qu'une police politique. Mais dont le champ d'action était le territoire est-allemand. Par conséquent, lorsque des agents ont fricoté à l'étranger avec des terroristes internationaux, il aurait été logique qu'ils appartiennent au service de Marcus Wolf. Oui, mais il a toujours démenti. En effet. Mmh. Je ne suis pas le seul à le croire. Tenez, une anecdote. Après la chute du mur... Marcus Wolf s'est exilé. Oui, parce qu'il craignait d'être jugé. Hein. Même s'il avait pris ses distances avec le régime depuis 1987. En tout cas, Wolf s'est rappelé opportunément qu'il était juif. Mmh. Et il a discrètement pris contact avec les Israéliens. Mais le Mossad lui a fait clairement comprendre que s'il venait en Israël, il n'y resterait pas très très longtemps vivant. Eh bien, les Israéliens avaient donc de bonnes raisons de lui en vouloir. Hein. Et ça ne pouvait être que les relations qu'il avait entretenues avec les organisations palestiniennes, bien sûr. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il a encouragé ou soutenu les terroristes. Je vous l'accorde. Enfin, poursuivons. Et commençons par le récit d'une double opération assez étonnante dirigée par le département 22. Les plans Stern 1 et Stern 2. Rendez-vous avec X. Revenons un instant sur le cas de Marcus Wolf. En 1992, avec le journaliste Maurice Najman, il a publié un livre d'entretien intitulé « L'œil de Berlin ». Et il déclare que, dès 1968, il s'est intéressé aux jeunes Allemands de l'Ouest qui contestaient la société. Mon attention avait été attiré par l'existence de tout un milieu de jeunes révoltés disposés à combattre le capitalisme et souvent issus de bonnes familles. Pour toutes ces raisons, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de pénétrer ces organisations. Je ne m'intéressais pas beaucoup à leurs divergences idéologiques. J'avais lu tout de même un livre de l'un des leaders des mouvements trotskistes, Ernst Mandel. De plus, au-delà des organisations politiques, il y avait toute une série de mouvements, d'associations écologistes, tiers-mondistes, pacifistes, etc., auxquels nous avions jusqu'ici peu d'accès avec les agents disponibles. Il fallait donc trouver des contacts nouveaux. Et comme d'habitude, je pensais pouvoir le faire en utilisant un langage politique. Un jour, j'ai réuni les responsables de plusieurs départements pour les briefer. Je leur conseillais de tenir à ces jeunes le raisonnement suivant. Vous voulez combattre le capitalisme, lutter contre l'impérialisme? Alors, ne perdez pas votre temps dans un activisme sans avenir. Poursuivez vos études. Intégrez-vous là où vous pourrez continuer la lutte sous d'autres formes. Soutenez à votre façon le socialisme en RDA qui représente une chance pour une victoire à l'Ouest. Mais pour autant, quand Najman lui pose la question de la fraction Armée Rouge, Wolf nie absolument avoir eu des contacts avec cette cellule terroriste. Stern 1 et 2, avez-vous dit. Alors, de quoi s'agissait-il ? Étoile 1 et étoile 2 en allemand. Ces deux opérations conduites par la Stasi ont eu pour but d'accueillir et de camoufler des membres de la fraction Armée Rouge recherchés par la justice ouest-allemande. Pour des crimes ou des attentats, hein. Ces individus ont donc été hébergés en RDA dans le plus grand secret. Ah, il ne fait surtout pas qu'à l'ouest on apprenne que la RDA protégeait des assassins. Ouais, évidemment. Ouais. Et combien ont-ils été être ainsi accueillis ? Une douzaine. À tous, on a attribué de nouvelles identités, et même une légende, comme on dit, dans les services de renseignement. Ouais, c'est-à-dire un passé inventé de toutes pièces. Et alors, dissimulés derrière leur légende, ils ont tranquillement vécu en RDA. Et comme il fallait trouver une justification idéologique à ces opérations de camouflage, les dirigeants de la Stasi ont prétendu qu'ils avaient ainsi, pardonnez-moi le jargon, re-socialisé ces terroristes. Bref, on les a remis dans le droit chemin, quoi. C'est à peu près ça, oui. Oui, dans le langage communiste. Ça signifie aussi rééducation politique. Et plus tard, quand certains membres éminents de la Stasi devront rendre des comptes, ils prétendront que de cette façon, ils ont neutralisé les terroristes et les ont donc empêchés de nuire. Et de continuer à tuer ou commettre des attentats à l'Ouest. Enfin, ces types de Stasi auraient par conséquent mérité des remerciements. Hein. Et certainement pas de comparaître devant un tribunal. Enfin, n'allons pas trop vite. Ce que je veux ajouter, c'est que pour certains de ces terroristes, on est allé encore plus loin dans la dissimulation puisqu'on leur a fait subir des opérations de chirurgie esthétique. Ah oui, c'est une technique utilisée par certains gangsters américains, mais aussi par le FBI lorsqu'il veut protéger l'un de ses indicateurs menacés, par exemple, par la mafia. Exactement. Mmh. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire. En 1985, un jeune homme venant de RDA se présente à la police. Il vient de découvrir une des affiches placardées un peu partout en RFA. Affiche sur lesquelles figure une galerie de portraits des terroristes les plus recherchés. Or, il croit avoir reconnu parmi ces photos une jeune femme qui est infirmière en Allemagne de l'Est. Et le nom de cette terroriste qu'il croit avoir identifiée ? Silke Meyer-Witt. Elle est en particulier soupçonnée d'avoir pris part à l'enlèvement du patron des patrons, Hans Martin Schleyer, en 1977. Schleyer qui a ensuite été assassiné. Hein. Mais Silke n'a pas été impliquée dans le meurtre. Quand ce jeune homme a rencontré cette femme de l'autre côté du rideau de fer, elle s'appelait Angelika Gerlach. Et pas Silke Meyer-Witt. Alors, comment réagit la police, là, quand... Le BKA, c'est-à-dire la police judiciaire, accorde une grande importance à cette histoire. Mais il lui est impossible d'agir à l'extérieur des frontières de la RFA. Aussi, le dossier est transmis au BND. Ouais, ça, c'est le service de renseignement ouest-allemand. Oui, à charge pour ce service d'essayer d'en savoir plus. Mais au bout de quelques mois, le BND laisse tomber. Ah oui, mais pourquoi, alors ? Essentiellement pour des raisons politiques. La RFA et la RDA essaient alors de se rapprocher. Accuser la RDA d'abriter des terroristes de la fraction Armée Rouge ruinerait ses tentatives de réconciliation. Un point sur lequel je reviendrai. Mais je continue. À l'Est, l'affaire a filtré et la menace semble sérieuse. Aussi, la pseudo-Angelika Gerlach est-elle rapidement invitée à quitter la ville où elle exerçait son métier d'infirmière. Elle est pourvue d'une nouvelle identité, change de métier. Maquillage. Et chirurgie esthétique, on lui refait le nez. Et la suite alors de l'histoire de cette Silke Meyer-Witt là. Elle commence donc une deuxième vie, toujours en RDA. Mais quand intervient la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, elle ne doute pas qu'elle sera arrêtée un jour ou l'autre. Ce qui sera le cas ? Effectivement. Et pour Silke, c'est une sorte de soulagement. Enfin, elle n'a plus à se cacher. Jugée, elle est condamnée à 10 ans de prison car elle n'a pas de sang sur les mains. 5 ans plus tard, après avoir fait des études de psychologie en prison, elle est libérée sur parole. Et après pas mal de difficultés, elle a réussi à se faire engager comme thérapeute au Kosovo. L'ancienne terroriste est donc chargée de soigner les traumatismes de ceux qui ont connu les violences de la guerre civile. Ouais, belle et édifiante reconversion. Mmh. Mais justement, là, que sont devenus ces ex-membres de la fraction armée rouge réfugiés en RDA après la chute du mur et donc la réunification allemande? Beaucoup ont été identifiés et arrêtés tout au long des années 90. Ils ont été jugés. Bien sûr. Ils auraient copé de peines relativement modérées, quelques années de prison. Et aujourd'hui, ils sont tous libres. Mmh. Autre question, là. Avant 1989, les autorités ouest-allemandes ont-elles soupçonné que les terroristes qui leur avaient échappé avaient pu trouver refuge de l'autre côté du rideau de fer? Enfin, l'histoire de Sidke Meyerwitt aurait dû les alerter, non? Vous avez raison. Mais à Bonn, malgré cette affaire, on a préféré croire que ces fugitifs faisant jouer leur connexion avec les organisations terroristes arabes se trouvaient désormais au Proche-Orient. Vous avez dit « on a préféré croire que cache cette expression sibylline ». C'est l'un des secrets de ce dossier. Un peu de patience et je vous expliquerai. Ces manœuvres visant à soustraire des criminels à la justice ouest-allemande ne sont pourtant que des péchés véniels au regard des autres implications de la RDA dans le terrorisme international. Car la Stasi n'en est pas restée là. Que vous voulez dire là? Mais il est à peu près acquis que certains de ces terroristes exfiltrés n'ont pas participé à ces programmes de resocialisation que j'ai évoqués. Bien au contraire, une petite poignée d'entre eux a bénéficié d'un entraînement quasi militaire avec maniement d'armes et d'explosifs. Or, et c'est particulièrement grave, ces mêmes terroristes ont sans doute ensuite commis deux graves attentats en RFA. En août 1981, c'est d'abord l'attaque par un petit commando de la base états-unienne de Ramstein. Y a-t-il eu des dégâts, hein? Une quinzaine de blessés. Mais ça aurait pu être pire, car les terroristes ont attaqué au bazooka. Et l'autre attentat, là? 15 jours plus tard, c'est un général américain qui a été la cible de la fraction armée rouge. Mais l'opération a échoué. Et dans les deux camps, enfin, pour reprendre le jargon des terroristes, c'était l'impérialisme qui était visé, hein? Et ça renforce les soupçons sur la RDA. Les Allemands de l'Est n'auraient certainement pas donné leur feu vert à des attentats du style de ceux commis par la fraction armée rouge dans les années 70. Ouais, mais dès lors qu'il s'agissait d'attaquer les Américains, il n'y avait pas d'obstacle. C'est ce que je pense. Et on va en avoir une nouvelle démonstration lorsque les services de la RDA, Stasi et même HVA vont frayer étroitement avec le terrorisme international et notamment avec l'organisation de Carlos. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Sans déflorer la suite de cet entretien, je vous propose l'éclairage donné par les journalistes Luc Rosenzweig et Yacine Le Forestier dans leur ouvrage « Parfaits espions, les grands secrets de Berlin-Est » paru en 2008 aux éditions du Rocher. Extrait. L'attitude de Milke et de Honecker dans cette affaire est caractéristique des rapports ambigus entretenus par la RDA et ses principaux responsables avec le terrorisme international. Informé de tout ce qui se tramait dans les bureaux des ambassades des pays arabes en RDA, soucieux avant tout de mettre leur propre pays à l'abri d'éventuelles attaques terroristes, ils n'allaient pas jusqu'à partager leur savoir avec la police des États où ces attentats étaient planifiés. Les condamnations verbales des actes terroristes par les plus hauts personnages de la République est-allemande cachaient en fait une politique des yeux fermés sur les activités de leurs auteurs, pour autant qu'elles ne s'exerçaient pas sur leur propre territoire. C'est ainsi qu'Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, a pu séjourner à plusieurs reprises au début des années 80 au Palast Hotel de Berlin-Est en toute tranquillité, alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour diverses actions terroristes, notamment le meurtre le 27 juin 1975 des deux policiers français Raymond Douce et Jean Donatini, abattus alors qu'ils venaient l'arrêter dans sa planque parisienne. Carlos, avant la chute du mur, a fréquemment séjourné en Europe de l'Est. On a même prétendu que c'était un agent du KGB. Collaborateur, peut-être. Agent, je ne crois pas. En tout cas, on l'a souvent vu fréquenter les meilleurs hôtels des capitales des démocraties populaires. Ici, je dois à la vérité de dire que sa présence n'était pas toujours souhaitée. Ah ben, le personnage était encombrant. Hein. Et ses frasques disposaient souvent les autorités locales et il faisait toujours l'objet d'une intense surveillance. Ouais, ben alors, il était toléré. En effet. Ouais. Ce qui signifie que des instances supérieures le protégeaient. Et il faut forcément regarder du côté de Moscou. Mais enfin, restons-en là, car nous avons déjà évoqué la carrière criminelle de Carlos. Ce que je voudrais simplement souligner aujourd'hui, c'est qu'en 1982, Carlos va diriger depuis Berlin-Est une sanglante campagne d'attentats qui va frapper la France. Le but, vous le savez, étant d'obtenir la libération de deux des membres de son organisation emprisonnés en France. Dont sa maîtresse et future épouse, Magdalena Kopp. Et à cette occasion, l'avocat de cette dernière, Jacques Vergès, bien qu'il s'en défende, a vraisemblablement pris personnellement contact avec Carlos. C'est en tout cas ce qu'attestent des documents de la Stasi. Mais après tout, l'avocat avait bien le droit de rencontrer à l'étranger celui qui devait devenir son client après son kidnapping au Soudan. Peut-être, mais enfin, on a aussi prétendu que Vergès était un membre du réseau Carlos. Mais que n'a-t-on pas écrit sur Vergès et les mystères de son existence? Non, plus certainement, et là nous revenons à l'implication de la RDA dans les affaires de terrorisme, c'est un lieutenant de Carlos qui a joué un rôle pivot. Un nommé Johannes Wenrich. Ouais. Qui était le premier époux de cette Magdalena Kopp. Hein. Et apparemment, Wenrich n'en a jamais voulu à Carlos de lui avoir pris sa femme. Jeune journaliste gauchiste et cofondateur des cellules révolutionnaires, il a rencontré Carlos dès 1974. Et celui-ci l'a enrôlé dans son organisation. Son organisation, c'était un réseau créé par le palestinien Wadi Haddad. Oui, Haddad, lorsqu'il sera gravement malade, viendra mourir à Berlin-Est. Comme par hasard. Mais revenons à Wenrich. Il a participé à plusieurs actions violentes conduites par Carlos. Oui, attendez, ces cellules révolutionnaires. C'est un groupe proche des fractions armées rouges. D'ailleurs, il y aura interpénétration entre les deux organisations. Mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est que Wenrich, principal lieutenant de Carlos, va devenir un correspondant et même un agent de la Stasi. Et donc, alors, par l'intermédiaire de Wenrich, la Stasi n'ignore rien des activités criminelles de Carlos. Et dans certaines occasions, elle va même les favoriser. Il en est ainsi dans l'affaire très troublante de l'attentat contre la Maison de France de Berlin-Ouest en août 1983. Je vous raconte. En mai 1982, Wenrich, qui voyage avec de faux papiers, est interpellé à l'aéroport de Berlin-Est. La douane s'intéresse à ses bagages et découvre à l'intérieur plus d'une vingtaine de kilos d'un explosif très performant. Et que se passe-t-il là ? Rien, ou presque. La Stasi récupère l'explosif et se débrouille pour que le terroriste soit immédiatement remis en liberté. Mais quelques mois plus tard, en 1983, Fenrich demande à récupérer son bien. Oui, l'explosif. Oui, oui, et après quelques tergiversations, la Stasi consent. La police politique est-allemande sait pourtant que cet explosif va être utilisé. Bah, c'est évident. Et avant de le remettre dans les mains de Fenrich, elle a certainement posé quelques questions. Sur l'attentat en préparation. Bien entendu. En tout cas, c'est cet explosif qui va pulvériser les locaux du Centre culturel français. J'ajoute que cet attentat spectaculaire visait aussi à punir Paris, qui se refusait toujours à libérer Kopp et Breguet, les deux petits soldats de Carlos. Dans ce cas-là, la Stasi est donc complice. C'est incontestable. Ouais. Il en sera ainsi également lorsque les autorités de RDA fermeront les yeux sur les transports d'armes destinés au groupe Carlos. Armes qui transiteront par l'Allemagne de l'Est. Armes qui, par ailleurs, ont aussi servi à équiper d'autres organisations terroristes, comme le TA basque. Mais je vous le laissais entendre, il n'y aura pas que la Stasi. Alors quoi, le service de Marcus Wolf, là ? Oui, le maître espion qui semblait abhorrer le terrorisme a quand même dû reconnaître que le HVA a formé et entraîné des militants palestiniens à l'intérieur de la RDA. Sur le sol oui. De la RDA. Alors bien sûr, il a prétendu qu'il s'agissait d'une sorte de coopération technique instaurée après la signature d'accords diplomatiques entre des États du Proche-Orient et l'OLP de Yasser Arafat. Et la RDA. Mais vous pensez que ces combattants ainsi formés ont peut-être plus tard participé à des actions terroristes ? Ça me paraît probable. Ouais. Donc encore une fois, et même indirectement, la RDA a été impliquée. Comme elle a joué aussi un jeu curieux avec la Libye, dont elle a formé les services secrets. Et que penser de son coupable attentisme lorsqu'en 1986, un attentat particulièrement meurtrier a frappé une discothèque de Berlin-Ouest fréquentée par des GIs américains. On a alors accusé la Libye. Et Reagan a pris prétexte de cet attentat pour lancer un raid aérien sur Tripoli, au cours duquel une fille de Kadhafi a été tuée. Mais la culpabilité de la Libye n'a pas été réellement démontrée. Et il semble plutôt que c'est le groupe d'Abou Nidal qui a été à l'origine de l'attentat. Oui, mais Abou Nidal protégé de Kadhafi. Quoi. Et dont les hommes se sont certainement servis des infrastructures de l'ambassade libyenne à Berlin. Par contre, ce que l'on sait de façon formelle, c'est que le ministère de l'Intérieur est-allemand était parfaitement informé des préparatifs de cet acte criminel. Il n'a donc rien fait pour l'empêcher. Mais il est encore plus troublant. Fin 1989, le mur de Berlin tombe sous les assauts des démocrates est-allemands. Et la cohorte acide de Gorbatchev. Oui, oui. L'Allemagne, bientôt unifiée, peut donc penser qu'elle en a fini avec la violence. Oui, puisque les terroristes de la fraction armée rouge n'ont plus de base arrière. Or, il n'en est rien. Le premier attentat de l'après-mur de Berlin a lieu presque immédiatement. À la fin du mois de novembre 1989, le patron de la Deutsche Bank est victime d'une bombe qui a été déposée à son domicile. Trois mois plus tard, le ministre allemand de l'Agriculture échappe de peu à un attentat. Et deux mois après, la police découvre dans un squat de Hambourg des documents. Le chancelier Helmut Kohl est désormais la cible prioritaire des terroristes. Et ça va continuer ? Suivent en effet un autre attentat raté contre le secrétaire d'État à l'intérieur et le mitraillage de la façade de l'ambassade des États-Unis près de Bonn. Mais l'action la plus spectaculaire se produit trois mois plus tard. Le puissant patron du holding public, chargé de privatiser les sociétés de l'ex-RDA, est assassiné à son domicile de Düsseldorf. C'est une action particulièrement symbolique. Certainement, parce que cette vente de milliers de sociétés, généralement peu rentables, provoque la mise au chômage de milliers de travailleurs et d'ouvriers. Ce patron, Rohrweder, était même accusé d'être une sorte de loup-garou. Ensuite, assez étrangement, la fraction armée rouge annonce dans un communiqué qu'elle suspend ses actions. Et bientôt, l'organisation va s'éteindre d'elle-même. En 1998, elle annonce sa dissolution dans un communiqué qui reconnaît que la guérilla urbaine appartient désormais à l'histoire. Fin de partie. Oui. Alors, pourquoi la fraction armée rouge a-t-elle continué à agir malgré la réunification allemande ? La Stasi avait infiltré en profondeur les réseaux de l'organisation terroriste. L'utilisation au cours de certains attentats de fusils de précision équipés de lunettes à vision nocturne porte sa marque. D'ailleurs, on a retrouvé dans les archives de la Stasi des documents prouvant la livraison de telles armes aux terroristes. Mais sa vraie signature, c'est l'assassinat de Sorovéder. L'homme des privatisations. Oui, il était sur la piste d'anciens dirigeants de la RDA qui s'apprêtaient à investir des sommes considérables à l'Ouest, des sommes prélevées sur le trésor de la Stasi. Il fallait donc le faire disparaître au plus vite. La fraction armée rouge était un parfait paravent. Et ça explique, selon vous, la troublante résurrection de l'organisation après la chute du mur ? Attendez, pour terminer, je reviens sur cette question que j'ai laissée en suspens. L'affaire des ex-terroristes de la fraction armée rouge réfugiés en RDA. Elle jette pourtant un éclairage étonnant sur tout ce dossier. Dans les services de renseignement, tout le monde savait que ces criminels se trouvaient de l'autre côté du rideau de fer. C'était même un secret de polichinelle. Le Mossad avait même alerté son homologue de RFA, le BND, dès le début des années 80. Mais les autorités de Bonn ont fait la sourde oreille. Il faut m'expliquer pourquoi, alors. Cette affaire était très embarrassante pour les deux Allemagnes. À l'Est, on redoutait d'être accusé de donner asile à des criminels, surtout à un moment où la RDA, mais aussi toute l'Europe de l'Est, essayait d'améliorer son image. Et bientôt, ne l'oubliez pas, ce sera Gorbatchev et sa perestroïka. Mais paradoxalement, à l'Ouest, on était guère désireux d'envenimer les choses. Mais peut-être qu'on rêvait déjà de réunification. C'est certain. Il fallait donc à tout prix préserver la politique de détente avec l'Est. Et secrètement, bien sûr, le numéro 1 est-allemand, Erich Honecker et le chancelier Helmut Schmidt avaient même passé un accord en ce sens. Et croyez-moi, je n'invente rien. Regardez par exemple ce qui s'est passé lors du procès dans les années 90 de 4 anciens officiers de la Stasi qui avaient présidé à la mise en œuvre de ces plans Stern 1 et 2 dont nous avons parlé. On aurait pu s'attendre à de lourdes peines. Oui, à cause de leur implication éventuelle dans l'entraînement de certains de ces terroristes. Et donc la perpétration de certains attentats. Or, ils ont bénéficié d'une grande mansuétude et tous ont été condamnés avec sursis. Je veux bien, mais ces policiers ont sans doute aussi fait valoir qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres des autorités d'un État indépendant. C'est vrai, mais tous ceux qui ont assisté au procès ont eu vraiment l'impression que le tribunal cherchait avant tout l'apaisement. Bref. Il fallait en finir avec ces fantômes du passé, au risque de voir éclater de nouvelles bombes si l'on trouve dans les archives de la Stasi ou du KGB d'autres éléments prouvant sans conteste la complicité des dirigeants de la RDA avec le terrorisme international. Ouais. Et vous pensez là à cette mystérieuse continuation de la fraction armée rouge après la chute du mur ? Car à ma connaissance, jamais personne n'a vraiment éclairci ce point très précis. Une dernière citation. Je l'ai à nouveau trouvée dans le livre d'entretien « L'œil de Berlin ». C'est Wolf qui parle et évoque l'entraînement de Palestiniens en RDA. Il est en effet envisageable que certains militants passés par nos écoles aient par la suite utilisé ces connaissances à d'autres fins que celles qui avaient été définies initialement. Mais si cela s'est fait, ce fut à notre insu, sans notre consentement. Il est aussi possible que nous ayons été manipulés. Pour pénétrer un peu plus dans les méandres de cette affaire des liens de la RDA avec le terrorisme, je vous recommande le film de Barbette Schroeder, « L'avocat de la terreur », un portrait édifiant de Jacques Vergès, l'avocat, disponible en DVD chez Wild Side Video. Et puis, pour rester dans cette atmosphère d'espionnage, un livre touristique très spécial, « Paris, nid d'espions » de Roger Faligo, un voyage insolite dans les lieux de la capitale où ont agi et vécu quelques acteurs éminents du monde de l'ombre. Et puis, je vous ai donné une liste de livres la semaine dernière sur Berlin à propos du 20e anniversaire de la chute du mur. Alors, encore d'autres, « L'histoire des services secrets allemands » de Michel Müller et Eric Schmidt-Enbaum, La Stasi à l'école, surveillée pour éduquer en RDA de Emmanuel Droit, La vie en rouge, un magnifique ouvrage, c'est une réédition de Christian Duplan et Vincent Giray. Et vous trouverez toutes les références de ces livres sur notre site franceinter.com. À samedi prochain, merci à Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash CO2 Mon amour de Denis Chessou, on part en balade.